Bonjour Pierre Moutarde. Oui, bonjour. Cette semaine, on va s'intéresser au Brésil. Oui. Plus spécialement à deux événements qui ont marqué l'actualité récente. Donc, le 34e anniversaire de la naissance du Parti des travailleurs, le PT, qui a eu lieu à São Paulo le 10 février 1980, et la manifestation qui a été organisée le 6 février à Rio de Janeiro par le mouvement Passe Livre, qui a dégénéré avec 6 blessés, dont un dans un état grave, laissant supposer qu'à 5 mois de la Coupe du monde de football, 12 juin-13 juillet 2014, la situation sociale du pays de Dilma Rousseff reste très tendue. Pourquoi ça vaut la peine de s'arrêter sur ces deux événements qui n'ont pas l'air connectés? Pourquoi les aborder de manière parallèle? Oui, ben c'est pour une manière pour nous là, de mettre les choses en perspective et de mieux réaliser un peu quel a été le devenir, la dynamique des mouvements sociaux et des luttes sociales et politiques au Brésil là, depuis une trentaine d'années. Il ne faut pas oublier que le Parti des travailleurs, là, dont on fête le 34e anniversaire, a pendant longtemps été synonyme de position extrêmement radicale, de transformation profonde, de remise en cause structurelle hein, du modèle de développement brésilien. Et puis donc, c'est intéressant de voir ce qu'est devenu ce parti, eu égard surtout à ces mouvements sociaux là qui se sont développés, surtout à partir de l'année dernière, de grands mouvements sociaux importants dans les grandes villes du Brésil et qui visaient à cette revendication de transport gratuit et de contestation des hausses de transport qui ont eu lieu à l'époque, notamment dans la ville de Rio de Janeiro. OK. Et si on commence par le plus ancien, pourquoi c'est si important de parler du Parti des travailleurs? Après tout, il y a eu plusieurs partis en Amérique latine qui se sont revendiqués des travailleurs. Oui, alors tout à fait. Le Parti des travailleurs, c'était à l'époque, quand il est né, donc en 1980, ça a été comme une espèce d'électrochoc pour toute la gauche latino-américaine, parce que c'était une autre façon de penser la lutte sociale et politique, en rompant avec tous les anciens modèles, le modèle clientéliste national populaire, le modèle communiste très orthodoxe qui se référait à l'Union soviétique, ou le modèle guerriériste du Che Guevara. Là, on rompait avec tous ces modèles et on pensait à cette idée d'un parti de masse, très pluriel, très pluraliste, dans lequel se retrouvaient les marxistes, les chrétiens, les syndicalistes, les paysans. Un parti fédérateur. Voilà, très très fédérateur. Un peu à la limite comme Québec solidaire, si on veut faire des comparaisons, mais avec une perspective très radicale de changements sociaux de type socialiste. Donc à ce moment-là, on était au Brésil en période dictatoriale, la fin d'une longue dictature qui avait commencé en 1964, une longue dictature militaire qui avait commencé en 1964. Donc le PT représentait de formidables espoirs, surtout pour le peuple d'en bas, les couches populaires. Libération. Voilà, une véritable libération. Donc et en même temps, pour toute l'Amérique latine, c'était un modèle possible. Qui pouvait allier l'idée de socialisme à l'idée de démocratie, hein, chose qui était relativement nouvelle, enfin, en tout cas qui n'était pas pensée de façon systématique comme ça en Amérique latine. Et donc ça représentait un formidable espoir hein, de pouvoir combiner l'idéal démocratique avec l'idéal socialiste. Donc tu nous parles d'un parti qui semble bien loin de celui qu'on voit aujourd'hui dirigé par Dilma Rousseff. Effectivement, alors Dilma Rousseff est arrivée au pouvoir en 2010, mais en fait elle suit la perspective, la perspective de Lula, da Silva. Alors cette perspective, effectivement, le Parti des Travailleurs, parce que Dilma Rousseff et Lula da Silva sont tous deux membres du Parti des Travailleurs, mais ce Parti des Travailleurs, depuis les années 80, a énormément évolué, et de cette perspective démocratique et socialiste révolutionnaire, il est passé à une perspective beaucoup plus sociale et libérale, c'est-à-dire qu'il a accepté le canevas néolibéral, les logiques néolibérales, en y accolant une espèce de volet social, hein, qui n'est pas négligeable non plus, qui a eu des effets, mais qui est très très loin de ces transformations, notamment le PT voulait une réforme agraire en profondeur, voulait rompre avec les mécanismes du marché néolibéral, appelé à des nationalisations, etc. Toutes choses qui ont complètement disparu quand Lula est arrivé au pouvoir en 2003. Hein, après, il faut le dire, 3 échecs, hein, puisqu'il s'est présenté 3 fois avant. Et donc, au fil de ces échecs successifs, il y a eu une espèce d'adoucissement, de fléchissement de son programme. Et donc, peu à peu, la rentrée dans ce modèle néolibéral, là, qui est quand même le propre du Brésil, même s'il y a ce volet social qui n'est pas négligeable non plus. Oui, puis dans le fond, Lula, sous son gouvernement, il y a eu un programme qui s'appelait Fin Zéro. qui a semblé quand même très efficace. Voilà, alors c'est ça, c'est très important, c'est ce qu'on retient, c'est ce que beaucoup de commentateurs retiennent, et avec raison, parce que ce plan, c'est quand même intéressant, c'est un peu un certain nombre de, disons, de profits réalisés par le développement économique du Brésil dans les années 2000, a été retransféré vers des programmes sociaux assez importants, notamment d'allocations familiales, mais conditionnés au fait, par exemple, on donne de l'argent aux familles les plus pauvres, mais à condition qu'elles envoient leurs enfants à l'école ou qu'elles fassent vacciner leurs enfants, etc. Et ça a eu des effets assez considérables, c'est-à-dire que la grande pauvreté au Brésil a diminué de façon extrêmement importante, de plus de 40%, donc ça, c'est pas négligeable, ça a eu un effet important. Et donc, on aurait pu penser qu'il n'y aurait plus de problèmes d'ordre sociaux ou d'ordre social au Brésil. Et puisque c'était un peu d'ailleurs les prétentions et de Lula et de Dilma Rousseff. Or voilà, justement, on arrive en 2012, l'année dernière, et tout d'un coup, surprise générale, d'immenses mouvements sociaux recommencent se développer. Alors pourquoi? C'est un peu le. Est-ce que c'est ce qui qu'est-ce qui pourrait expliquer le mouvement Passe Livre, ce mouvement pour les transports gratuits et la manifestation justement qui a mal tourné? Voilà. Alors ça nous permet de revenir un peu à l'actualité d'aujourd'hui, qui relaye un petit peu ce qui s'était passé de façon massive en juin 2012. Et ce mouvement qui est à l'origine, enfin ce réseau qui est à l'origine de ces vastes mobilisations de 2012 et puis de celles de février là tout récemment, c'est un mouvement qui a pris forme dans le forum social de 2005, le forum social mondial de 2005 à Porto Alegre, et qui cherche simplement, et bon, qui est né de mobilisation sociale aussi dans d'autres villes du préalable du pays, et qui cherche tout simplement à répondre au fait que les transports deviennent dans les grandes villes brésiliennes une question centrale pour beaucoup de gens, et dès qu'on hausse un tout petit peu le prix du transport, ça attaque ce qu'on appelle là-bas la classe moyenne, mais en fait les couches populaires qui s'en sortent un peu mieux que ceux qui vivent dans la grande pauvreté, qui gagnent, disons, autour de 450 euros par mois, à peu près 700 ou 800 dollars par mois, et qui donc vivent de manière encore très précaire. Et donc, ces revendications d'un transport gratuit ou d'une non-hausse des transports a eu un écho formidable. D'autant plus qu'en même temps, ça c'est un peu le contexte général du Brésil, il y a ces fameux jeux, cette fameuse Coupe du Monde là en juin 2014 qui va être organisée, oui. Puis en 2016 les Jeux Olympiques, donc il y a eu comme à Sochi d'immenses travaux avec beaucoup de corruption, beaucoup de gaspillage, et donc les gens se demandent où va l'argent de cette richesse de ce Brésil en pleine croissance économique, s'il n'est même pas capable de nous donner les moyens à nous, classe intermédiaire là, de pouvoir au moins avoir des transports accessibles. C'est une catastrophe, d'où ces mobilisations très très importantes et qui montrent, je crois, que les luttes sociales au Brésil, malgré le fait que les présidents ou la présidente qui est aujourd'hui à la tête du pays vient du PT, sont loin d'être terminées. Fait que vous ne pensez pas que le parti va répondre nécessairement aux attentes ou aux mobilisations de la population comme le fait le parti travailleur? Non, parce qu'il est très loin. Il est très loin. Alors c'est sûr qu'il est très loin de son projet initial, et puis surtout le cadre économique qui lui avait permis de répondre en partie aux revendications des plus pauvres aujourd'hui est beaucoup moins favorable. Hein, il y a moins de croissance au Brésil. La demande chinoise qui tirait en avant le développement économique brésilien et n'existe pas de manière aussi forte, donc c'est ce qui rend un peu le cadre général plus difficile, et beaucoup d'observateurs ont tendance à penser que ces manifestations risquent de continuer à se développer dans l'avenir. Mm-hmm. Donc, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Pierre Mouterde. Je rappelle à nos auditeurs donc, que vous êtes sociologue et que vous présentez chaque mois une chronique sur l'Amérique latine. Donc, les gens qui veulent en savoir plus sur vous et sur vos publications peuvent se rendre sur votre site http://letemps-présent.com.